player. Tawa ou Mike dans le rap game, c'est qui le meilleur, hein? Le choix des arts, Tawa ou Mike. J'te barque dans le rap, on barque les cartes à la baraka. Ray, c'est là qu'il y a la baraka. Et tant mieux si j'peux mailler. Laisse-moi mouiller le maillot comme aller. J'suis là pour vous mailler. Puis quand vous bled Centrafrique, j'pense qu'à ça. J'ai la dalle, j'raille d'eau, demande à Pantassa. C'est pas le rap qui m'habille, j'suis trop mouillé. Puis son yé à sa place, j'déclasse, j'peux mouiller. Puis les frères veulent des coups de gueule. Les tasses veulent des coups de gueule. J'fais le buzz, j'commence sur Google. Marie-Méal, tu mouilles comme une rat man. J'rappe tellement bien qu'on peut pas dire j'rappe mal. Dawa ou Mike dans le rap game. Le rap part en couille frère, j'ai l'impression qu'il y a du rap game. J'ai ta langue, mon talent n'est pas caché. Toi sur la cachette pour que tu sentes mon talent fâché. Dawa ou Mike dans le rap game, c'est moi le meilleur player. A plusieurs players, t'as des frayeurs effrayés. Trois clips, allez hop, j'mets des marques. Même s'ils veulent pas de fit, car ils savent que j'ai des marques. Dawa ou Mike dans le rap game, c'est moi le meilleur player. A plusieurs players, t'as des frayeurs effrayés. Trois clips. Allez hop, j'me démarque. Même s'ils veulent pas de fit, car ils savent que j'ai des marques. Le rap est un taf, pas de place pour les taf. Je fais pas taf, une taf de mon rap et tu taf. Même si t'es perdu, j'te perdure, j'te perdure. Mon style perdure, mais c'est pas d'être moi, ça c'est hyper dur. Le succès pour y accéder, je sais que c'est dur. Alors j'accepte dès le matin, tant que mon sexe est dur. Trop de pression, donc mon rap agresse. Tu connais pas mon rap, la crasse et la pisse. Ça c'est son adresse, j'm'adresse à tous ces frenzy. Les disciples sont indisciplinés ici, alors casse-toi d'ici. Leur square, let's go. Trop vrai, pas de faux, mais pas de franc. Mon rap est sale, raille de bois de faute. Et la faute est warfare. J'suis seul devant mon assiette. Comme un frère assis, jugé aux assiettes. Même si t'es perdu, j'te perdure. Mon style perdure, mais c'est pas d'être moi, ça c'est hyper dur. Tawa ou Mike dans le rap game, c'est moi le meilleur player. A plusieurs players, t'as des frayeurs effrayés. Trois clips, allez hop, j'me démarque. Même s'ils veulent pas de fit, car ils savent que j'ai des marques. Tawa ou Mike dans le rap game, c'est moi le meilleur player. Plusieurs players, t'as des frayeurs effrayés. Trois clips, allez hop, j'me démarque. Même s'ils veulent pas de fit, car ils savent que j'ai des marques. Tawa ou Mike dans le rap game, c'est moi le meilleur player. A plusieurs players, t'as des frayeurs effrayés. Trois clips, allez hop, j'me démarque. Même s'ils veulent pas de fit, car ils savent que j'ai des marques. Tawa ou Mike dans le rap game, c'est moi le meilleur player. A plusieurs players, t'as des frayeurs effrayés. Trois clips, allez hop, j'me démarque. Même s'ils veulent pas de fit, car ils savent que j'ai des marques. Car ils savent que j'ai des marques. D-A-W-A. Car ils savent que j'ai des marques. A.K.A. Dawa ou Mike. Car ils savent que j'ai des marques. Le front 9K. Car ils savent que j'ai des marques. Leur square Fresco. Car ils savent que j'ai des marques. De quoi tu parles frère. Car ils savent que j'ai des marques. Trop vrai pour être faux. Car ils savent que j'ai des marques. Le choix des armes frère. Car ils savent que j'ai des marques. Aïe, Dawa ou Mike.